courageux pour faire tous ces rageux. Mon frère c'est la rage, mon surnom c'est courageux. Je te tourne pas la page, ressens toute cette haine en moi que je crache. Sors de ma cage pour faire tous ces rageux. Mon frère c'est la rage, mon surnom c'est courageux. Je te tourne pas la page, ressens toute cette haine en moi que je crache. Mon baracoute pas d'entrée, frappe sans hésiter. La rage est un jeune qui rappe son décidé. Le pavé qui transperce le chaos, dédicace tous mes rêves derrière le barreau. Microphone, le faut tasser, je le dégaine. Faut que ça conne sur le beat à chaque fois que je la ramène. Moi, je reviens des favelas, je représente cette jeunesse. Avant, je mets les casses. Je fonce pour la rue, je dédicace. Pire que Tony Montana de Scarface. J'idole pas, tu vois bien que je rigole pas. Parle des combats, écoute ça, la rage, la constante. En ce qui concerne mosquée, quand je me prosterne, je viens écouter les messages des anciens. Un petit conseil, dans la zinzin. La musique, je la prends, je la mets en sein. Sors de ma cage pour voir tous ces rageux. Mon frère, c'est la rage, mon surnom, c'est courageux. Je te tourne pas la page, ressens toute cette haine en moi que je crache. Sors de ma cage pour voir tous ces rageux. Mon frère c'est la rage, mon surnom c'est courageux. Je te tourne pas la page, ressens toute cette haine en moi que je crache. C'est la merde parce que ça fouette dans nos halls. C'est la haine qui se projette dans nos rôles. Comment veux-tu qu'on fasse avec ce manque de vie? Quand le bonheur passe, t'esquive et t'évite. Dans nos cœurs c'est noir comme le fond d'un tunnel. Nos rêves viennent des cauchemars cogites quand y'a pas de tune, mec. Un flot posé, une rage que je dois doser. Moi je dois en poser, causer, j'en ai la nausée. D'avoir poussé à l'instinct son bout de sol. C'est la crise de la faim, c'est l'état qui nous colle. Parce que c'est la merde, la crise de nos cages. Mais la fille, je la prends, je la braque en otage. Comment faire face à leur commentaire? Moi c'est jusqu'à la mort, jusqu'à leur commentaire. Tout le monde veut être loin de nos halls. De la merde, de la crise, de la mort que l'on frôle. Sors de ma cage pour voir tous ces rageux. Mon frère c'est la rage, mon surnom c'est courageux. Je te tourne pas la page, ressens toute cette haine en moi que je crache. Sors de ma cage pour voir tous ces rageux. Mon frère c'est la rage, mon surnom c'est courageux. Je te tourne pas la page, ressens toute cette haine en moi que je crache. Pacifiant, demain mon panorama. C'est la crise, on compte sur moi comme Barack Obama. J'ai pris deux piges, renvoyé au bled. Un aller sans retour, plus tard on le seul remède. Là-bas c'est pire qu'à Fleury ou à Fresnes. C'est la merde, pourquoi y'aura personne qui me freine? Sur le beat, c'est moi, mon Barack. Si tu roules pas avec moi, Abou Haya. Sors de ma cage pour voir tous ces rageux. Mon frère c'est la rage, mon surnom c'est courage.